Vous écoutez Antenne 87 à Romilly-sur-Seine. Le carnet de plaine sur Antenne 87, votre émission de proximité. Votre mission de proximité. C'est Alex, vous êtes sur Antenne 87. Je vous propose de passer 45 minutes en ma compagnie et en celle de mon invité. Une personnalité locale, connue, très connue ou un peu moins connue, qui va nous partager ses souvenirs, nous dévoiler ses émotions, au gré de ses confidences musicales. Bonjour à toutes et tous. Un petit ratage au démarrage. Oh, c'est samedi matin. On est un peu fatigué. On est en cette fin de janvier un peu morose. Bonjour donc à tous et toutes et bienvenue sur ces antennes, confidences musicales, pardon, d'Antenne 87. Et oui, en cette fin de janvier un peu morose, on va vous faire rêver, mesdames. Mais vous aussi, messieurs. Écoutez bien. Tout le monde connaît le concours Miss France. Moins nombreux sont ceux qui connaissent celui de Miss Pin-Up. Alors, c'est quoi déjà une pin-up, me direz-vous? On a en tête la jeune femme un peu mutine, voire peut-être un peu aguicheuse. Mais dans ce concours, la postulante Miss Pin-Up ne doit répondre à aucun critère de morphologie. La postulante Miss Pin-Up n'a pas d'âge, mais elle a des valeurs. Elle affirme sa féminité, elle revendique la coquetterie, dans le respect du détail, le choix des matières et avec une pointe de nostalgie rétro. Avec mon invité ce matin, on va vite se rendre compte qu'au-delà de l'élégance, on peut trouver également l'élégance du cœur. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no on. Patricia Grimont, bonjour. Bonjour Alex. Merci de vous prêter à ce jeu des confidences musicales. Et merci Patricia pour ce très beau morceau qui donne la pêche. Hein. Tout à fait. Pourquoi vous avez choisi Queens? Queens, c'est mes 16 ans. C'est Freddie Mercury, un artiste flamboyant, très charismatique, l'amour de la scène, comme moi. J'adore être sur scène. J'adore... Vous êtes des performeurs tous les deux. En quelque sorte. En quelque sorte. Alors, Patricia Grimont, vous êtes ici à quel titre ce matin? Comment vous présentez-vous à nos auditeurs? Alors, j'ai été élue en 2024, deuxième dauphine de Miss Pin-Up Grand Est. Et cette année, enfin 2025, j'ai été élue ambassadrice Miss Pin-Up France 2026. Donc, Patricia Grimont, ambassadrice Miss Pin-Up 2026. Oui. Donc on va avoir du temps avec nous hein, ce matin. Comme je l'ai dit en intro, on va rêver un petit peu. On va parler d'élégance, de coquetterie, de charme, mais pas seulement. Hein. On va aussi parler des valeurs qui entourent ce concours qui est assez peu connu. Je suis désolée, c'est vrai qu'il a évidemment beaucoup moins d'obédience que le concours Miss France, mais il a beaucoup de valeurs. Parce que, comme je l'ai dit en introduction, et vous ne me direz pas le contraire, il n'y a aucun critère morphologique. Tout voilà, fait. Il n'y a pas de code de taille à respecter, et il n'y a pas d'âge non plus. Non plus. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va dérouler. On veut tout comprendre de votre parcours, hein, pourquoi vous faites ça, quels sont vos goûts aussi. Moi, j'espère, en tant que fille, avoir quelques petits trucs aussi d'élégance, de matière qu'il ne faut pas mélanger, de couleurs qui ne vont pas ensemble, peut-être des petits trucs de maquillage, qui sait. Pourquoi pas, hein. Mais déjà, j'ai une question. Je vous appelle Patricia ou je vous appelle Patsy? Alors... on a toutes un pseudo pin-up. Ouais, et moi, j'ai cru comprendre. Voilà. J'avais choisi donc Patsy. Alors, moi, dans mon imaginaire, la pin-up, déjà, on peut dire ce que c'est que la pin-up, parce que je l'ai un petit peu dit en introduction, mais pour vous, la pin-up, c'est quoi? Ça fait référence à quoi? Alors, la pin-up, quand les gens pensent pin-up, ils pensent à la guerre, quand il y a eu la guerre et qu'il y avait les femmes qui étaient qui là faisaient pour... un peu rêver les soldats. Voilà, qui faisaient rêver les soldats et qu'on affichait en images dans les chambres. D'accord. Voilà, militaires. Et de ce fait, l'origine de la pin-up, c'est plutôt anglais, c'est plutôt américain? C'est américain, je crois. C'est américain. C'est plutôt américain. Plutôt hein. Américain. Alors, du coup, mon autre question, est-ce que toutes les Miss doivent avoir un pseudo et elles vont toujours chercher le pseudo dans la culture anglophone où il y a aussi des pseudos très franco-français, j'ai envie de dire? Il y a de tout. Il y a de tout. Vous avez des exemples à nous donner de pseudos rigolos? On va chercher, on va trouver. On enchaîne tout de suite avec votre deuxième morceau. Oui. Chers auditeurs, vous allez avoir une très très jolie playlist et un morceau qui nous tient à cœur toutes les deux. Elle m'a laissé choisir. Elle m'a dit, moi, j'aimerais un morceau tiré du film Air, également comédie musicale. Alors, moi, j'ai choisi Aquarius et apparemment, ça lui plaît également. Quel morceau, quel film, quelle histoire. Pourquoi vous avez choisi Air, Patsy? Bah justement, parce qu'il y a de la légèreté, il y a de la révolte, mais il y a aussi bah une histoire derrière tout ça, enfin des oui, valeurs. Assez des forte, valeurs. Hein, on est quand une même dans la forte. Période de la guerre du Vietnam. C'est pour ça. Donc oui. N'hésitez pas à revoir ce merveilleux film, R, qui a une bande-son de folie. Alors moi, je me suis quand même posé une question, c'est que là, on est un peu dans le flower power. Oui. Vous me disiez que vous aimiez beaucoup aussi l'esthétique du film, mais ce n'est pas du tout l'esthétique des pin-up. Ah là, on n'y est pas du tout. Là, autant vous, les pin-up, pour moi, c'est l'élégance, le souci du détail. Et là, on est quand même un petit peu dans le plus un peu débraillé. Il faut toujours avoir un petit brin de folie quand même. Ah, c'est ça. Mais les pin-up, est-ce que c'est bordé dans le temps, le style que peuvent avoir les pin-up, notamment dans le concours, hein, mais on va y revenir. Est-ce qu'il y a une bande de temps? C'est-à-dire, avant, c'est trop vieux, après, c'est trop récent. Oui. Effectivement, les pin-up, c'est des années 20, jusqu'aux okay. années 64-65, grand max. Ok, alors que moi, c'est vrai que j'avais l'idée, les pin-up, c'est les années 40, point. Non, c'est un peu plus large que ça. C'est un peu plus large. Donc on a quand même un beau panel. Oui, tout à okay. fait. Alors, avant de revenir sur votre propre histoire, votre propre parcours, vos passions, on le voit, hein, les auditeurs qui veulent peuvent aller sur Facebook. Je suis sûre qu'on voit déjà la photo de Patsy, tirée à quatre épingles. Il n'y a pas un détail qui vous a échappé ce matin, tout est présent. Bon, ce qui n'est pas mon cas, hein, moi j'arrive le samedi toujours un peu foin. Mais alors, on va vraiment parcourir votre vie et votre goût pour l'élégance, pour la coquetterie. Mais le concours Miss Pin-Up, ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça veut mettre en avant? C'est porter les valeurs humaines des femmes, c'est vraiment valoriser les femmes, les mettre en beauté, voilà. L'élégance intemporelle de la femme, l'élégance qu'il y avait dans ces années-là, ces années passées, mais avec quand même les valeurs actuelles de la femme moderne. Oui, on n'est pas dans quelque chose d'uniquement nostalgique et passéiste. Il faut vivre avec son temps. C'est tout à fait ça. Okay. Donc, c'est, si je comprends bien, deux choses, le concours. C'est à la fois, on va faire une recherche historique, on va aller chercher les tenues les plus respectueuses possibles. Est-ce que déjà, oui. dans le concours, on a le droit d'avoir des tenues contemporaines, c'est-à-dire refaites, ou ce ne sont que des tenues historiques? Non, on ne peut pas avoir que des tenues historiques. Ah oui, ça n'est pas possible. Non. Déjà, mais on recherche quand même? Moi, de mon côté, personnellement, oui. Mais par exemple, lorsque il y a le concours, est-ce qu'une personne qui a une tenue 100% historique va être mieux cotée qu'une personne qui a une tenue contemporaine refaite? Absolument pas. Non, pas du tout. On sent quand même que dans ce concours, il y a une attention et beaucoup de liberté. Hein. Les deux, c'est-à-dire on est très entouré, on est très coucouné, d'ailleurs on a des nounous. Et non, ce qu'on demande à la fille, c'est vraiment de dégager quelque chose avec beaucoup de sororité, de dégager de la sororité les unes vis-à-vis des autres, et puis bien se présenter, bien défiler, et puis avoir cette passion. Après, il faut qu'il y ait une cohérence, évidemment, entre les vêtements, les accessoires, mais on n'impose pas non plus Alors, pour imposer. On va pas dire exactement comment on s'inscrit au concours, parce que ça, on le verra plutôt à la fin de l'émission. Mm-hmm. Ce sera le côté un peu pratique des confidences. Mais en revanche, qu'est-ce que ça demande à la candidate? Qu'est-ce qu'il faut préparer? Une tenue, plusieurs tenues? Est-ce qu'il faut aussi préparer d'autres choses? Est-ce qu'il faut se couler dans un personnage? Alors, on va demander plusieurs tenues, puisqu'il y aura toujours automatiquement une tenue de jour, une tenue de soirée. Donc, il y a deux passages devant le jury? Oui, tout D'accord. à fait. Ok. Alors, évidemment, avec les accessoires raccord, complets. Et il faut effectivement avoir tous les accessoires, c'est-à-dire que, évidemment, il y a un chapeau, il y a systématiquement quelque chose sur la tête, j'imagine, et systématiquement des gants également. Oui. Parce qu'à l'époque, on mettait des gants, on ne sortait pas sans gants. Et le sac. Et le sac, bien sûr. Et le sac, on l'a encore un petit peu, alors que le chapeau et les gants, quelquefois, ça passe à côté. Oui. Donc là, il y a vraiment... Là, en revanche, c'est codifié. Il faut vraiment avoir du chapeau aux chaussures, tous les accessoires qui vont bien. Bah, c'est mieux, oui, c'est... effectivement. Oui. C'est mieux. Oui, parce qu'à l'époque, voilà, les femmes sortaient en tenue complète. bien sûr. Et vous, vous-même, Patsy, vous avez concouru plusieurs fois ou vous ne l'avez fait qu'une fois? Alors moi, j'ai concouru en... Donc, j'ai eu mon élection en 2024 où j'ai été élue donc deuxième dauphine Miss Pin-Up Grand Est. C'était la première fois que vous concouriez? Au niveau Miss Pin-Up, oui, j'avais déjà fait avant un petit concours Pin-Up à Gien. D'accord. Donc, il y a des concours Pin-Up et il y a des concours Miss Pin-Up. Voilà. Il y a les deux. Voilà. C'est deux niveaux différents ou c'est simplement deux endroits en France, deux modes d'organisation? C'est deux concours différents. Et Miss Pin-Up, c'est une marque déposée. D'accord. Ce qui implique certaines obligations quand on est élu. Et encore plus quand on est ambassadrice, j'imagine. Oui. C'est-à-dire... On doit porter les valeurs de Miss Pin-Up. Alors, les valeurs, donc vous avez parlé de la sororité, de la féminité. L'élégance. Évidemment. Et puis vraiment présenter... Tous les comités. Moi, par exemple, s'il y a une publication d'un comité, je la republie, je la mets en avant. C'est faire fonctionner le réseau. Je fais fonctionner le réseau et pas plus pour un comité que pour un autre. On essaye vraiment de valoriser tous les comités, quels qu'ils soient. On va reprendre, mais on vous propose, enfin c'est Patsy qui vous propose un nouveau morceau. Quelqu'un qui ne passe pas souvent dans Confidence Musicale et c'est dommage parce que j'adore aussi ce chanteur à la voix incroyablement bouleversante. C'est Serge Reggiani. Vous avez choisi un morceau qui n'est pas facile, qui s'appelle Sarah. Pourquoi vous l'avez choisi? Parce que j'aime les chanteurs à texte. Alors là, vous êtes servie quand même, hein, c'est toute une vie qui est dans cette chanson. Qui en même temps était comédien. C'est vrai. Il avait double casquette et il était aussi bon en tant que chanteur qu'en tant que comédien. C'est vrai. Et ses histoires, enfin, ses chansons racontent toujours des histoires très complètes, des parcours de vie. Ouais. On écoute Sarah. Si vous le rencontrez, bizarrement paré, traînant dans le ruisseau un talon déchaussé, et la tête et l'œil bas comme un pigeon blessé, messieurs. Ne crachez pas de jurons ni d'ordures au visage fardé de cette pauvre impure que déesse famine a par un soir d'hiver contrainte à relever ses jupons en plein air. Cette bohème-là, c'est mon bien, ma richesse, ma perle, mon bijou, ma reine, ma duchesse. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps, les yeux cernés par les années, par les amours. Au jour le jour, la bouche usée par les baisers, trop souvent mais trop mal. Donner le double phare, malgré le phare, plus pâle qu'une tache de lune. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps, les seins si lourds de trop d'amour, ne porte pas le nom d'appât, le corps lassé, trop caressé, trop souvent mais trop mal aimé. Le dos voûté semble porter des souvenirs qu'elle a dû fuir. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ne riez pas, n'y touchez pas. Gardez vos larmes et vos sarcasmes lorsque la nuit nous réunit. Son corps, ses mains s'offrent au mien et c'est son cœur couvert de pleurs et de blessures qui me rassure. Donc ça, c'est du texte, hein, ça, c'est de la chanson. Oui. Patsy, ça vous ramène un peu en, dans votre enfance, cette chanson? Oui, bien qui sûr. Est, assez ancienne, elle est de 67, je crois. Oui. Tout à fait. Bien, justement, moi, j'aimerais qu'on se replonge un peu dans votre histoire personnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui, dans votre parcours, vous a amené à Miss Pin-Up? Il y a certainement... une proximité avec le vêtement, avec la féminité. On en parle ? Oui, tout à fait. Alors, voilà, j'avais une grand-mère qui était couturière, sa meilleure amie qui l'avait initiée à la couture, qui était également couturière. Hein. Voilà, couturière pour des dames, à l'époque on disait les bourgeoises. Mmh. Et j'ai été portée par ces deux personnes qui me faisaient des vêtements sur mesure, qui habillaient toute la famille, qui ont fait la robe, enfin le tailleur de mariée de ma maman. Mm-hmm. Et puis mon papa, de son côté, avait des sœurs qui étaient extrêmement coquettes et toutes petites. J'étais emmenée dans la salle de bain pour être maquillée, pomponnée. Voilà. Un peu une petite poupée. Tout à fait. Vous tout étiez à fait. La poupée qu'on aimait habiller. Oui. Et vous sentez en vous que ça vous a donné le goût des matières, par exemple, des tissus Ah ben ça, complètement. Puisque j'allais même avec ma grand-mère, on prenait la Micheline, puisque moi je suis des Ardennes, donc on partait le matin. Et on allait dans la petite ville de proximité et on allait chercher les boutons, toutes ces choses-là. Et on allait à Charleville acheter les tissus. Mais oui, il y a encore, 30 ans, on pouvait encore acheter beaucoup de tissus comme ça. Ça se fait beaucoup moins maintenant. Ou pour l'ameublement, mais pas pour les robes. Et c'était pas les mêmes tissus. Et c'est pas les mêmes tissus. C'est pas. Non. Vous trouvez qu'on a perdu cette qualité? Ah bah oui, tout à fait. Complètement. Ça n'a plus rien à voir. Oui. Et surtout, il n'y a plus de couturière. Alors ça revient. Ça revient? Oui. C'est un petit peu le contre-pied de ce qui se fait. Alors on va pas donner les marques de ce qui se fait, ce qu'on appelle la fast fashion, qu'on achète à l'autre bout du monde et qui vous arrive par colis. Oui. Vous trouvez qu'il y a un goût qui se met en place justement pour quelque chose de plus authentique? Ben moi, on voit des petits ateliers à Troyes qui commencent à s'ouvrir. Alors je me dis, bon, ça me donne un peu espoir. Oui, parce qu'il faut quand même retrouver le savoir-faire. C'est quand même... Alors ça, c'est des choses qui se perdent. Oui, oui. Donc il faut être très vigilant, très vigilant. Et alors donc, on a Patricia, petite fille, qui se fait un petit peu pomponner, qui aime ça. Et comment grandit-elle, Patricia? Patricia, elle grandit après dans la Marne, qu'elle déteste. Parce Non, faut pas dire ça. Oui, mais je n'ai jamais... Vous étiez déracinée. Ah, complètement. Mm-hmm. On est des Ardennes depuis 1654, donc c'est vous dire. Voilà, même village. Je comprends votre attachement, je grandis là-bas, après j'arrive dans l'Aube et après je développe une passion pour le théâtre. D'accord. Okay. Voilà. Mais si je puis me permettre, sans rentrer dans votre vie hyper privée, mais vous n'êtes pas allée vers un métier du costume du tout ou un petit peu? Non, pas du tout. Donc c'est quelque chose que vous vivez en passion? Je vis ça en passion. Le théâtre, c'était une belle façon de pouvoir continuer de jouer des personnages. Voilà, de m'habiller avec des vêtements pas communs. Oui. Et puis d'être sur scène. J'adore être sur scène et c'est ce que je retrouve avec Miss Pin-Up en fait. Et donc en fait, vous avez ce goût de jouer. Et on vous sent très réservé et en même temps on sent, je vous ai en face de moi, je vois dans vos yeux qui pétillent cette envie effectivement de vous montrer et de jouer quelque chose. Ça vous a beaucoup plu le théâtre? Ah, énormément, ça m'a énormément apporté. Oui. Vous avez des souvenirs à nous partager, notamment le plus beau costume que vous ayez porté en faisant du théâtre? J'avais joué Iphigénie, donc j'avais un joli costume et j'avais joué au Théâtre de la Madeleine. Donc, à Troyes. Donc, au Théâtre de la Madeleine à Paris? Non, à Troyes. Ah, pardon, d'accord. Ok, c'est déjà pas mal. Mmh. Alors là, on n'est que sur quelque chose d'Iphigénie de super sobre. Hein, oui. Une tenue antique. Mais il faut bien mettre les plis au bon endroit, peut-être. C'est ça, la subtilité. Tout à fait. Non, mais c'était le plaisir de jouer dans un théâtre à l'italienne. Bien sûr. Merveilleuse salle. Et ça, c'était avec une prof de grec Et par la suite, je me suis inscrite donc au Conservatoire de Troyes où j'ai eu 2 prix. Voilà. Très bien. On enchaîne avec un autre morceau, un morceau de Harry Belafonte qui s'appelle Deo, qui est là encore un morceau qui raconte une histoire. Hein. C'est alors quand on l'écoute, on pense que c'est un chant d'esclavage. Et en fait, je me suis renseignée, c'est le chant. Alors, vous me direz, c'est une forme d'esclavage, un chant en référence aux personnes qui travaillaient dans les bananiers sur les quais et qui avaient un travail quand même extrêmement difficile. Donc oui, c'est un chant à la fois de complainte et de libération. Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. D'émotion dans ce morceau que j'avais pas écouté depuis des années. Je vous remercie beaucoup, Patty. Alors, Patty donc fait du théâtre. Elle adore. Mm-hmm. Elle va sur des voies professionnelles qui n'ont rien à voir. Absolument. Ou qui ont un petit peu à voir. Au départ, non. Mais je suis revenue quand même tranquillement sur tout ce qui était culturel, artiste, etc. Avec un énorme plaisir. Alors, vous faisiez quoi? Vous mettiez en place des événements? Alors, j'ai été attachée culturelle, oui, pendant 20 ans à la ville de Pont-Sainte-Marie dans l'Aube, et je me suis éclatée. Vous avez ainsi pu mettre en place plein de choses, rencontrer d'autres oui. artistes, etc. Oui. Et pendant ce temps, le goût du vêtement ne vous quittait pas? Bah non, j'ai continué, finalement. J'ai toujours chiné, en fait. Ok. Et ça nous amène à quoi? Ça nous amène à la rencontre d'une petite boutique à Troyes, la boutique Zolan, tenue par Marie Ramon. Qui existe encore? Ah oui, oui, oui. Qui est une personne totalement solaire, totalement déjantée aussi. Est-ce qu'il faut être un peu déjanté pour être pin-up? Dans le sens petit brin de folie? Oui, je pense qu'il faut avoir... Le sens de la liberté? Oui, voilà. Oui, parce que la liberté, c'est aussi une valeur. Oui. Et c'est aussi une forme de bienveillance. Tout à fait. Pour moi. Et alors moi, j'ai plein de questions en tête, hein, ça va peut-être dans tous les sens, mais quand on est une vraie pin-up dans l'âme, est-ce qu'on est pin-up tous les jours, aussi pour aller au travail, ou quand on sort avec des amis, ou réception de famille? Alors, pas forcément. Mais vous, par exemple, est-ce que vous vous habillez toujours en pin-up? Alors moi, justement, c'est ce que j'allais y venir, c'est que au départ, j'étais pas du tout pin-up. En fait, je suis venue tardivement à la pin-up, mais je m'habille en fait de plus en plus pin-up. Voilà. Alors, ok. Donc, vous grandissez avec toujours ce goût, et puis vous découvrez les boutiques où on peut chiner du. This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com. Vous faites plaisir. Vous achetez des choses que vous gardez, mais vous ne portez pas forcément. Ou vous les portez tout de suite? Ah, je les porte quand même. Ah oui, donc vous étiez pin-up à l'air libre, j'ai envie de dire. Voilà. Vous n'attendez pas les concours. Vous avez vécu pin-up. Sans le savoir. Oui. Sans le savoir. Tout très à bien. Fait. Et c'est bien accepté dans la rue? Les gens se disent, tiens, elle est originale? Ou plutôt, on vous dit, mais oh, qu'est-ce que c'est beau, ce que vous portez, ça vient d'où, ça intrigue? En général, j'ai d'excellents retours. Donc là aussi, de la bienveillance dans le regard. Oui, parce qu'il y a la qualité. La qualité de la façon de faire ses vêtements, la qualité des tissus, qui n'a rien à voir avec. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On a perdu, en savoir-faire, on a perdu en qualité des matières. Hein. Tout à fait. Ok. Et lorsque vous avez chiné, est-ce que vous avez un souvenir, peut-être le souvenir de la très belle pièce que vous avez achetée, qui vous a vraiment fait vibrer? La pièce qui m'a vraiment fait vibrer, parce que... Il y en a peut-être plein de pièces qui vous ont fait vibrer. Forcément, au départ, je devais avoir 2-3 robes pin-up dans la garde-robe, mais maintenant, une robe, 2 robes, 3 robes, 4 robes. Vous avez un beau dressing room. Hein. Voilà, je suis obligée de serrer. Mais c'est la pièce que j'ai chinée l'année dernière, parce que c'est une copie d'un manteau de Paul Poiret. Et ça, Paul Poiret, pour moi, c'est... Waouh. Donc, Paul Poiret, hein, c'est un couturier des années 20. Hein. Les années 20, c'est votre année de cœur, votre période de cœur, de prédilection? Alors, j'aime beaucoup les années 20 et j'aime également beaucoup les années 40. Voilà. Donc, du coup, vous avez le choix. Comme ça, quand vous chinez, vous êtes sur 2 périodes à la fois, c'est génial. Sauf que, années 20... On ne trouve pas. Ça devient de plus en plus compliqué. Ou alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de trouver des choses en vraiment mauvais état, les broderies qui s'en vont, les paillettes, parce qu'il y avait beaucoup de, pas de paillettes, mais de sequins. Et si c'est le cas, est-ce qu'on trouve des gens pour réparer? Je pense que ça existe, puisque moi j'ai fait réparer une jupe des années 50 qui était entièrement mitée et qu'on m'a réparée en y voit. Mais comment peut-on réparer une jupe entièrement mitée? Ah, bah alors là. Ça, c'est les miracles. On met des choses, on met des broderies dessus, on arrive à. Je ne sais pas comment elle a fait, mais je peux vous dire qu'on ne voit plus rien du tout. C'est incroyable. Donc il y a quand même vraiment du savoir-faire. Il y a du savoir-faire. Il y a du savoir-faire. Faut le trouver. C'est important. Oui. Et donc alors, ce très bel achat coup de cœur, assez récent, un manteau de Paul Poiret. On peut en savoir plus sur les matières, sur les couleurs? C'est un manteau rêvé. Oui, c'est un manteau en velours. Enfin, c'est une grande cape en fait, en velours, bleu roi, avec des beaux plis, un beau col. Magnifique. Oui, magnifique. Et il n'y a pas à dire, une belle tenue, ça embellit la femme. On peut se dire ça. Ça fait tout de suite le waouh, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a, au contraire, le souvenir d'un achat vraiment qui vous a échappé? Non. Vous arrivez à tout avoir. C'est magnifique. À tout avoir. Non, mais bon, quand j'ai envie de trouver quelque chose, je finis toujours par le trouver quand même. Ok, ouais. Eh bien, vous allez nous donner aussi des bons créneaux pour trouver des choses, hein, pour nos auditeurs, auditrices, parce que, oui, on ne l'a pas dit, donc il y a la pin-up, mais est-ce qu'il y a le pendant pour les hommes? Ah, mais bien sûr, il y a les gentlemen. Les gentlemen, oh, on en parle tout à l'heure. En attendant, on part en Californie avec ce merveilleux titre des Eagles qui s'appelle Hotel California, qui est absolument délicieux, mais qui est un peu long pour l'émission. Donc on va le lancer et je pense qu'on reprendra le cours de notre échange avec Patsy sur Antenne 87 dans quelques minutes. Voilà, on reprend le micro. On aurait adoré écouter Hotel California, mais on a trop de choses à se dire. Patsy, moi, je veux tout savoir. Alors, justement, pendant qu'on écoutait, on papotait toutes les deux. Mm-hmm. Alors déjà, je dois dire que vous m'avez montré la photo de ce magnifique manteau bleu roi. C'est vraiment absolument génial. C'est merveilleux de ressortir ça et de le remettre à l'air libre et d'en faire profiter nos yeux contemporains. C'est tellement beau. Et vous me disiez quelque chose qui me surprend sans me surprendre, que le corps de la femme avait changé. Quand vous retrouvez ses vêtements d'origine, vous trouvez que la morphologie a beaucoup évolué. Mais c'est certain, c'est certain. Mais dans quel sens ? Bah, les femmes étaient beaucoup plus petites. Et puis, elles étaient très, très fines. Alors, il y a eu le port des corsets, évidemment. Il y a eu la guerre aussi, ce qui fait que quand on veut rechercher des pièces vraiment anciennes, des fois, on se heurte. Alors, au niveau poitrine, tout va bien. Au niveau hanche, tout va bien. Mais c'est la taille. Vous disiez qu'il y avait du 30-32, quoi. Ouais, voilà. Donc, voilà. Bon, moi, déjà, je n'ai aucune chance de trouver les vêtements d'époque. Mais même moi... Il y en a un petit peu. Mais vous êtes très fine, Patsy. Oui, mais je suis grande, donc je ne fais pas du 30. Oui. Absolument pas. absolument pas. Bon, alors, on parlait des hommes. On va faire quand même une petite parenthèse pour les hommes qui ne se sentent pas laissés pour compte. Tout à donc, fait. Très rapidement, hein, parce qu'on va quand même parler surtout des femmes. Mais vous m'avez dit qu'il y avait des concours de gentlemen. Donc, c'est la même chose. Oui. C'est les mêmes règles, les mêmes valeurs, le même concept. Alors, les gentlemen, oui, tout à fait. C'est tiré à quatre épingles avec la canne, avec le chapeau, avec le beau nœud voilà, autour de la chemise, la petite pochette. Malheureux, est-ce qu'ils ont une période plus large ou c'est la même période que pour les pin-up? C'est-à-dire années 20, années 60? Oh, je pense que ça doit être à peu près identique, je pense. Alors, nous, on a un ami qui est dans le Grand Est et qui va souvent à la Coupole à Paris pour faire des soirées gentleman. Et apparemment, c'est génial. Nous, on a hâte d'y aller. Ça doit être super sympa. Mais qu'est-ce qu'ils font dans ces soirées? Ils font une sorte de défilé? C'est un petit peu comme des soirées à la Boris Vian, vous savez, Boris oui, Vian, sûr, voilà, dans sûr. Le sous-sol et tout le monde danse, tout le monde fait la fête. Est-ce que la pin-up doit savoir danser? Elle doit savoir marcher, c'est sûr, mais est-ce qu'elle doit savoir danser? Pas forcément. C'est pas inclus dans le, dans le package. Dans le package, non. Il n'y a pas d'obligation, très bien. Mais du coup, c'est pas bête ce que je dis quand même, il faut savoir vraiment marcher. Ah oui, tout à fait. Mais quand on passe le concours, on apprend à marcher? Ah mais bien sûr, on est accompagné, oui. Ça n'a rien à voir en plus avec la façon de défiler d'un défilé de mannequins, d'un défilé Miss France quoi. Pourquoi ça n'a rien à voir? Parce qu'un défilé de mannequins, c'est une marche assez, on va dire, stéréotypée, oui. Alors que nous... Presque un peu autoritaire, quoi. Je me montre. Oui, un peu marche militaire, oui, alors oui, que oui. Nous, c'est vraiment. C'est chaloupé. Avec, voilà, chaloupé, avec de la grâce, des mouvements de main, des poses, parce qu'il faut savoir poser pour les photographes. Donc, mais tout ça, on vous l'apprend. Chers auditeurs, je vous garantis que nous sommes déjà un peu dans le défilé ce matin, hein, parce que Patsy joint le geste à la parole. C'est ça l'élégance. Et c'est oui. Ça l'élégance. Alors, petite curiosité de ma part, lorsqu'on est dans le monde hein, du vintage, de la pin-up, etc., et en dehors de tout concours, on participe à des événements, j'imagine. Ah, bien sûr. Quelle sorte d'événements, alors, vous pouvez agrémenter de votre coquetterie? Nous allons régulièrement au Bouchon de Joigny, qui ont lieu au mois de septembre. Donc, c'est une grosse manifestation avec des véhicules anciens, des pin-up, évidemment, tout l'univers rétro-vintage. Et alors, c'est plutôt un peu défilé ou plutôt vous posez, vous créez des petites scénettes et les gens viennent vous admirer et vous prendre en photo? Alors, quand il y a le concours de pin-up, il y a les filles évidemment qui défilent avec un jury qui... Moi j'ai été jury. Oui. Donc mais dans les événements, quand vous faites des événements à l'air libre, je veux dire. Alors moi j'y vais avec mon écharpe bien évidemment. Oui. Et évidemment lorsque l'on m'interpelle, je présente Miss Pin-Up. D'accord, vous présentez, ce qu'on essaiera de faire très très rapidement parce que là je vois que le temps défile, on n'a pratiquement plus que 10 minutes. Donc vous présentez les valeurs du concours, voilà. Et puis le côté un peu pratique également, et puis vous posez avec les gens. J'imagine qu'avec la mode du selfie, vous devez en faire à tour de bras. Oui. Et puis si je peux donner l'envie aux filles de venir nous rejoindre, ben, je n'hésite pas forcément. Alors là, je vais vous demander un choix crucial, Patsy, parce qu'on ne va pas avoir le temps de passer toute votre playlist. On a le choix entre Adriano Celentano, Il ragazzo della Via Gluck, ou bien Simon & Garfunkel, Sounds of Silence. Qu'est-ce que je passe? Adriano, c'est parti. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in Via Gluck. In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove grave sarà. Questo ragazzo della via gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico disse: qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. Così, wow, wow. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su casa. On adore Adriano Celentano. Alors, pourquoi, Patsy, vous avez finalement choisi Adriano et pas Simon & Garfunkel? Parce que j'aime beaucoup également les musiques latines. Ah, bon, d'accord. Et j'adore la danse. Et est-ce que, alors, il y a aussi dans l'élégance, une élégance particulièrement latine? Quelque chose qu'on ne trouve pas dans le tabloïde. Quelque chose qui fait un peu la touche espagnole ou italienne dans la façon de se faire. Une autre forme d'extravagance? Pas forcément, pas forcément. Non. Ok, alors, maintenant j'aimerais bien qu'on soit un peu pratico-pratique pour les gens qui nous écoutent. Si une, alors j'allais dire une jeune femme, mais une femme, puisqu'il n'y a pas d'âge, on l'a dit. Ah oui, moi j'ai 64 ans. Donc il n'y a pas d'âge pour s'inscrire pour la première fois au concours de Miss Pin-Up. Donc mesdames, si vous avez envie de vous inscrire au concours de Miss Pin-Up, c'est quand l'inscription, c'est où, sur quel site et à quoi faut-il s'attendre quand on s'inscrit? Allez, Patsy, on veut tout savoir. Donc c'est quand l'inscription? Alors l'inscription, c'est dès le mois de septembre jusque fin décembre. Il y a certaines régions où ça a été prolongé jusque là. Voilà, ça va bientôt se clôturer pour certaines régions. Certaines régions ont déjà leur quota, on va dire, de filles. Oui, il y a un quota, c'est-à-dire qu'il y a un nombre maximal. Oui, à peu près 12-15 filles maximum. Ah oui, on est sur un petit concours hein, quand même. Il faut se dépêcher de s'inscrire. Mais parce qu'on a 12 régions quand même. 12 ouais. régions ouais. qui sont rattachées au Comité France. Ouais. Non, mais je veux dire, le concours, c'est pas 50 candidates à chaque fois. Ah non. Quoi, hein. Non. Mesdames, il n'y a pas de place pour tout le monde. Écoutez bien, on va vous donner les clés pour s'inscrire et avoir une chance d'être retenue. Alors, il faut s'inscrire sur misspinupfrance.org. Alors, misspinupfrance, tout attaché. Oui. .org. Okay. Ensuite, on va sélectionner sa région, puisque forcément. Voilà. Et puis après, ben voilà. Après, on suit le cheminement. Alors, quand on s'inscrit, est-ce qu'il faut déjà qu'on ait une intention? C'est-à-dire qu'on se dise, moi, voilà mon pseudo, voilà la période que je vais couvrir. On doit déjà dévoiler des choses ou justement entre septembre et décembre, on a tout le temps de préparer son dossier. On a quand même le temps de préparer ses tenues puisqu'on va faire des ateliers. Avec chaque comité prévoit des ateliers. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de le dire au mois de septembre quand on s'inscrit. Ah non, du tout, d'accord. Du tout. Ce qui veut dire, vous savez, j'ai une idée derrière la tête. C'est parce que je me dis, si ce matin, on a quelqu'un qui se dit, moi j'ai envie de m'inscrire, oui. Elle peut se lancer ce petit défi de s'inscrire en septembre et ensuite se dire, allez, maintenant je suis inscrite, je me bouge, je choisis mes tenues et je me prépare. Alors après, par exemple, moi, quand j'ai préparé le concours Miss Pin-Up Grand Est, on avait une tenue de jour imposée et on avait la tenue de soirée, qui était libre de choix. Mais quand vous dites une tenue de jour imposée, ça veut dire qu'on impose la période ? On impose un thème. Un thème ? Ah, c'est un thème ? Ok. Mm-hmm. Des thèmes comme quoi, par exemple, pique-nique au bord de la mer ? Alors, moi, quand je l'ai passé, on nous demandait d'avoir une tenue... Voilà, représentative de la libération. Voilà. Ok, libération. L'année dernière, c'était une tenue américaine, style avec voilà, la jupe poodle, la tenue de serveuse américaine, enfin quelque d'accord. chose qui représente d'accord, les d'accord. États-Unis. Voilà. C'est vrai que je suis allée sur le site, hein, j'ai vu des choses incroyables. Notamment, j'ai vu beaucoup de femmes qui faisaient un peu Rosie la rifteuse. Vous savez, cette fameuse affiche les années 40, de cette femme avec le bandana rouge et la salopette en jean. Donc en fait, on peut se retrouver dans toutes les matières, dans tous les thèmes. On peut vraiment mettre sa personnalité là-dedans. Dans toutes les matières, dans tous les thèmes, et puis il y a toutes sortes de pin-up en fait. Oui. Il y a la pin-up rockabilly, il y a la pin-up gothique, il y a la pin-up chic gothique. À la française. L'important, c'est d'aller au fond du thème. C'est ça le secret. C'est ça, et puis je vous dis d'être toujours dans la bienveillance, dans l'élégance. Nous, on a une pin-up dans le Grand Est, rouge de méthyle, qui est absolument fabuleuse, qui est dans le style gothique, habillée, coiffée, maquillée, du feu de Dieu. Elle y va à fond. On sent que vous y allez à fond, hein. On sent que c'est comme ça que ça marche. Et ça lui va merveilleusement bien, je veux dire. Parce qu'elle est complètement dans le raccord. C'est voilà, ça le souci. C'est de, ça. Enfin, pas le souci, mais la garantie de l'élégance, c'est d'être totalement raccord. C'est ça. Raccord avec soi-même, avec ce qu'on porte, en fait. Et puis y aller à fond, quoi. S'amuser, prendre du plaisir aussi. C'est très important. Ça se voit sur scène. On l'entend dans votre voix. Merci Patsy, je pense qu'on n'aurait pas pu imaginer une meilleure conclusion. C'est effectivement prendre du plaisir à ce qu'on fait et s'affirmer totalement. Nous voilà donc en dernière ligne droite de l'émission. On va passer la dédicace. Moi, avant, je vais vous remercier parce que vous nous avez vraiment permis aussi d'avoir une playlist qui vous ressemble, pleine de joie et pleine de bienveillance. Ça se sent dans les morceaux que vous avez choisis. Patsy, je vous laisse présenter le morceau dédicace. Alors, le morceau dédicace, ben, c'est pour mon époux Patrick, parce qu'il est fan des Pink Floyd. Donc, j'ai choisi pour lui « Wish You Were Here ». Voilà. C'est parti. Merci beaucoup, Patsy. C'est parce qu'il adorait Syd Barrett. Voilà. Think you could tell